Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre second, second paragraphe, Sarah, Rebecca, Rachel. Il n'est aucune des femmes célèbres de l'Ancien Testament qui n'ait été, d'une manière ou d'une autre, une figure ou une image de Marie. Toutes expriment, bien qu'imparfaitement, quelqu'une des qualités sublimes qui brillent dans la Mère de Dieu. Je ne puis cependant m'étendre sur chacune d'elles autant que le mériterait la dignité du sujet, il en est quelques-unes dont je ne parlerai qu'en passant. Disons un mot de Sarah, épouse d'Abraham. Lorsqu'elle donna le jour à son fils unique, elle l'appela Isaac, c'est-à-dire, riz. Latin sourire, rire. Disant le Seigneur m'a donné un sujet de riz et de joie, quiconque l'apprendra, s'en réjouira avec moi. Genèse 21, 6. Le véritable sujet de joie est Jésus-Christ, figuré par Isaac, et c'est Marie qui l'a produit. Qui connaît le Fils, ne peut s'empêcher de féliciter la mère qui l'a enfanté. Comme elle le prédit elle-même dans son cantique, « Désormais toutes les nations m'appelleront heureuse, parce que le Seigneur qui est puissant a fait en moi de grandes choses. » C'est à bien juste titre que nous félicitons Marie, puisqu'en mettant au monde Jésus-Christ, elle nous a nous-mêmes engendrés à la vie de la grâce. « Souvenez-vous, dit le prophète, Isaïe 51, 1, 2, de cette roche d'où vous avez été taillé, et de cette caverne profonde d'où vous avez été tiré, jetez les yeux sur Abraham votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Ô notre bonne mère, nous nous souviendrons de vous, de vos entrailles qui nous ont engendrés à la grâce, de votre sein qui nous a donné le doux lait de l'esprit, et nous nous féliciterons avec vous. Cantique 1, 3. Votre lait est infiniment plus doux que le vin des plaisirs du monde. Nous vous demanderons une chose, ô Marie, c'est ce qui fut demandé à Sarah. Dites que vous êtes notre sœur, ô notre mère, et nous aurons la vie à cause de vous. Genèse 12, 13. Heureux si vous daignez nous reconnaître pour vos enfants, nous n'aurons plus rien à craindre. Pharaon, l'ennemi de notre salut, ne pourra nous nuire. Que dis-je? Nous sortirons de son royaume, chargés de richesses. Et dans Rebecca que pourrons-nous considérer? La belle Rebecca est cette jeune vierge douce, compatissante, à qui Eliezer demanda un peu d'eau, ibidem, et qui ne se contenta pas de lui en donner, mais en puisa aussi pour ses chameaux. Tel fut précisément le signe que Dieu avait choisi pour la faire entrer au nombre des ancêtres de son divin fils, et lui faire figurer en même temps une autre vierge, la plus belle et la plus charitable des vierges, toujours disposée à exaucer nos prières, et même à répondre par une libéralité sans borne à la confiance que nous lui témoignons. S'il en est ainsi, ce dont on ne peut douter, je m'adresse à vous, ô Vierge choisie de Dieu, et je vous dis avec votre serviteur Saint Bernard, sermon in nativité de Marie, vous qui êtes pleine de grâce, qui êtes toute couverte et toute pénétrée de la céleste rosée, ô Vierge puissante, apprêtez, nous vous en prions, quelque nourriture pour de pauvres affamés. Préparez-en en si grande abondance, que même les chiens trouvent à se nourrir du superflu. Présentez-en non seulement aux serviteurs d'Abraham, c'est-à-dire aux hommes qui vivent selon la droiture, mais distribuez-en même aux chameaux, je veux dire aux pauvres pécheurs courbés vers la terre. Parce que vous êtes la Vierge choisie, et destinée au Fils du Très-Haut, qui est béni par-dessus toutes choses dans tous les siècles. Amen. Romains 9, 5. La belle Rachel ne figura pas moins parfaitement la mère du Sauveur. Ses charmes lui gagnèrent le cœur de Jacob, qui, retenu par l'amour qu'il lui portait, demeura volontiers pendant plusieurs années dans une terre étrangère et loin de sa patrie, endurant le froid, le chaud, la soif, des souffrances, des humiliations de tout genre. Cependant tout cela lui paraissait peu de chose, tant était grande l'affection qu'il portait à Rachel, Genèse 29, 20. La beauté de Marie gagna le cœur du Tout-Puissant. Le Verbe divin, attiré par l'amour que lui inspirait cette chaste vierge, quitta le sein de son père, lieu de sa véritable origine, et descendit sur cette terre, qui lui était étrangère. Il se soumit à une infinité de souffrances, et tout cela n'était rien à ses yeux, tant était grand l'amour qu'il portait à Marie, et en considération de Marie à tout le genre humain. Ô Marie, c'est à votre beauté, c'est à votre vertu sublime que l'univers est, en un sens, redevable de la grâce d'avoir vu, dans ce lieu d'exil, le Fils unique du Père céleste. La Sainte Écriture ne nous apprend pas que Rachel ait souffert en donnant le jour à son fils premier-né, qu'elle appela Joseph, nom qui signifie accroissement. Je croirais plutôt qu'en mettant au monde ce fils tant désiré, elle aura senti s'accroître immensément la joie qu'elle éprouvait lorsqu'elle le portait dans son sein. Il n'en fut pas ainsi, quand elle enfanta son second fils, l'excès de ses douleurs fut tel qu'elle en mourut, c'est pourquoi elle l'appela Benoni, c'est-à-dire enfant de ma douleur. Quel touchant sujet de comparaison avec Marie! Elle donna le jour à son fils premier-né sans éprouver la moindre douleur, et même, selon les docteurs de l'Église, avec un redoublement de cette joie qu'elle ressentait en le portant dans son sein. Mais ce n'est pas sans un profond mystère, dit Saint Bernard, que ce divin fils est appelé premier-né, puisque Marie eut d'autres enfants, non pas selon la nature, mais selon la grâce. Or, si elle n'éprouva qu'une ineffable consolation en mettant au monde son premier-né, il n'en fut pas de même de ses autres enfants, qui pourraient dire les cruelles douleurs qu'ils lui causèrent lorsqu'elle les enfanta sur le calvaire, où elle leur fut solennellement donnée pour mère. Oh, si elle n'en mourut pas, c'est que par un miracle de sa toute-puissance, Dieu voulut nous la conserver, afin que nous ne fussions pas tout à coup orphelins et du père et de la mère. Nous sommes pour Marie les enfants de sa douleur, après que Jésus a été le fils de sa joie, nous sommes les Benoni. Mais que suit-il de là? Est-ce que Marie nous aime moins, parce que nous lui avons coûté plus cher? Non. Certes, son amour pour nous est au contraire d'autant plus vif, que la douleur que nous lui avons coûtée fut plus amère. De Benoni que nous étions, nous sommes devenus les Benjamins, les enfants de la droite, les enfants bien-aimés de son cœur, les enfants sur lesquels elle tient toujours étendue la droite bienfaisante de sa miséricorde, jamais le bras de sa justice. Ô Marie, je n'ai que trop mérité, hélas, que vous me traitiez avec la plus sévère justice. Oui, j'ai mérité vos châtiments plutôt que vos miséricordes, je suis vraiment l'enfant de vos douleurs, puisque j'ai tant de fois par mes péchés renouvelé la passion de Jésus. Mais heureusement pour moi, d'enfant de douleur que j'étais, je suis devenu un enfant de votre droite, de fils ingrat, un enfant chéri de votre cœur. À ma chère et tendre mère, si à tout prix vous voulez m'aimer, rendez-moi digne de votre amour. Faites de moi un fils qui vous soit véritablement attaché, un tendre et affectueux Benjamin, afin qu'au moins je ne sois plus désormais aussi ingrat envers votre tendresse maternelle. Markemdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.